En Corée du Sud, l'action de Gwangju contre la disposition de Saad, l'action nationale contre la guerre et pour la paix, la direction à Daejeon du Comité Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin et la direction du mouvement de la province du Jeolla du Sud pour la retraite du pouvoir de Park Geun-hye ont tenu le 13 courant les conférences de presse contre l'interruption des exercices militaires avec les États-Unis et la disposition de Saad. Par ailleurs, le journal internet sud-coréen La Voix du Peuple a présenté le 14 courant un éditorial pour prétendre l'interruption des exercices militaires conjoints Kim Il-sung qui aggrave la tension militaire dans la péninsule coréenne.